sans reproche. Sans pleurs et sans reproche. Il est 20h et tu écoutes sans pleurs et sans reproche sur Galaxy Radio 95.3. 2 heures de musique industrielle non-stop avec Derga Golini et EBM Nator. Electro, Indus, EBM, Synthpop, Darkwave, New Wave, Ambient, Metal, Gothic, Post-Punk, Over-Electronics. Sans pleurs et sans reproches, Derga Golini, EBM Nator. Lundi 20h, 22h sur Galaxy Radio 95.3. Sans pleurs et sans reproches. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sans pleurs et sans reproches, votre rendez-vous un petit peu barjot sur Galaxy Radio. Les musiques sombres sont légion chez nous et tout ça nous provient des années 80. Nous sommes des vieux fans de New Wave, d'industriel, de BM et chaque semaine on vous présente des nouveautés de ces styles musicaux qui font encore bonne fortune de nos jours. D'ailleurs, bon exemple d'EBM, de bonne facture, de même allemande qu'a choisi Walter en sélection de la semaine. Je vais laisser place à Walter pour vous présenter cette sélection et nous on se retrouve avec le rappel de lundi dernier. Oui, merci Greg. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de retrouver nos racines d'Electronic Body Music Old School. Et c'est le cas ce soir avec le groupe allemand Akalotz, qui nous sort donc cette semaine son nouvel album Angry Body Machine sur le label allemand Scanner. On vient de s'écouter Dark and Fall. Je me trompe un petit peu quand je vous dis que c'est de l'EBM Old School, parce qu'en fait ces deux gars-là font une EBM vraiment de qualité, avec des bonnes inspirations et un travail de recherche sonore qui est vraiment appréciable. On en reparle tout à l'heure. Merci Val pour cette sélection, c'est vraiment du béton armé. On va poursuivre donc comme je disais avec le rappel de lundi dernier, c'était vraiment excellent. Le nouvel album de Implant, on va s'écouter non pas un, mais deux titres, puisque la semaine dernière, Len Lemaire était venu en interview et nous a amené bien sûr l'album CD, mais également en avant-première, la partie 2 de son nouvel album qui est destinée à en vinyle et uniquement en vinyle. En attendant la partie 3 de son nouvel album, eh bien, je vous propose de retrouver deux titres. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Je crois qu'il a réalisé avec cette trilogie son chef-d'œuvre dans sa carrière. C'est vraiment très très bon. On enchaînera avec les Français de Ogezor et le groupe belge Musk. Tout ça nous provient également de nouveautés reçues par nos partenaires promo. Je donne tout le détail tout à l'heure. Pour le moment, eh bien, le résumé, c'est Implant x2, Ogezor et Musk. C'est parti pour de l'EBM, de l'industriel, du cyber metal, du cyberpunk et du punk tout court. Galaxy. We'll be right back. Galaxy Radio. Et oui, sans être dans l'excès, j'ai choisi deux titres du nouvel album de Implant, en tout cas la nouvelle trilogie qui s'appelle The Chaos Machine, extrait du CD qui est donc la partie 1 de cette trilogie. J'ai extrait le titre I Feel No More. Ensuite, extrait de cette partie 2, qui est elle que sous-titrée Scratching the Surface. C'est donc l'édition vinyle qui regroupe quelques titres avec des versions différentes et quelques inédits. Là, j'ai choisi un remix du premier single issu de l'album The Chaos Machine Part 1, No More Flies on the Windscreen. Il s'agit de The Drive, la version vinyle. Est totalement, purement EBM. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre que nous propose ici Lane Lemaire avec son nouveau projet. J'espère que vous avez pu apprécier la semaine dernière l'interview en compagnie de notre ami belge Lane Lemaire de Implant. Vraiment un superbe album. C'est paru chez Alpha Matrix. Voilà, si vous aimez le rétrofuturisme, l'industriel assez axé dans l'univers de groupes comme Front and Assembly, Front le 4-2 ou encore Skinny Puppy, je crois que là, vous avez touché le gros lot si vous procurez ces trilogies. Après Implant, on est resté un petit peu dans la science-fiction avec le projet Ogezor. Il s'agit de Frangin, groupe français qui produit et qui a produit déjà plusieurs albums, toujours accompagné de vidéos. C'est surtout une illustration de leur travail de vidéo. D'ailleurs, chaque album est distribué avec une clé USB qui retrace tout l'album. Donc en l'occurrence, là ce soir, c'est The Green Knight, dernier album de ce projet, et qui est également le dernier volet d'une trilogie également. Ça nous est envoyé par Roger Vessier de l'excellente agence Where the Promo Is. On s'écoutait Brotherhood. Voilà, c'est du cybermetal, du cyberpunk tout simplement, et c'est vraiment très très bon, hein. Très électro également. Pour terminer, on a fini avec un nouvel extrait de la compilation Electropunk du label Lynchley Records, duquel j'ai pu recevoir en promo le vinyle, limité à 300 copies, et on retrouve 4 titres de la scène belge, plutôt axés, électro et punk à la fois. Là, on s'est écouté le groupe Musk avec le titre Dance Floor, hein, qui est une sorte de bon punk assez rétro, 80s, très agréable. On retrouve également sur ce vinyle Anvil FX, Alkaline et Krakenizer. La semaine dernière, c'était Alkaline, cette semaine, c'est Musk. Et donc, dans les deux prochaines émissions, vous aurez droit à un extrait des autres protagonistes de cette compilation, qui est vraiment très très belle. Le vinyle est coloré, c'est un splatter à multicolore, c'est absolument magnifique. Encore merci à Mowgli Lynch pour cet envoi qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'est une super promo et j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc on a décliné pas mal de styles musicaux et je pense que Walter va prolonger ce plaisir. Oui, je vais même rester un petit peu dans l'acoustique avec une nouveauté de chez Metropolis Records. Ça nous est envoyé par Gary Levermore de l'agence Red Sound Promo. C'est le dernier EP des Néerlandais de Clan of Zymox et nous reviennent en forme. Ce EP présente deux nouveaux titres, X, Odus et Suffer, qui se fait remixer par plusieurs artistes comme Traitors, The Bellwether Syndicate, Ciné, Curse McKay, qu'on diffusera la semaine prochaine normalement, Principe Valiente. Et il y a un remix de Ronnie Moorings, lui-même accompagné de Johan Van Staal. Tous ces groupes sont des signatures des deux labels, Clan Oxymox, Trisdale en Europe et Metropolis donc aux États-Unis. Ces deux nouveaux morceaux augurent un très bon album de Clan Oxymox qui est sorti vendredi dernier, qui s'appelle Exodus. Ce soir, je vais vous diffuser la version single du morceau Suffer. Et on continuera avec une nouveauté également de chez Alpha Matrix qui nous est envoyée par Franky de Blom. Vous vous souvenez, c'est un autre flamand qu'on adore ici à Sampler et son approche. Son projet, c'est Cubic. On s'écoutera TITT en Basic Edit de son nouvel album Back to Basics. C'est une super formule. Et on terminera par une nouveauté de chez Artifact Records. Line of Zymox avec le morceau Suffer en single version du EP X Odus qui sort chez Metropolis Records. On remercie Gary pour cet envoi. Juste après Cubic avec le morceau TITT en basic edit du dernier album que Frankie Deblom nous envoie. Il s'appelle Back to Basics, ça sort chez Alpha Matrix et franchement je suis content qu'il renouvelle ne serait-ce que légèrement son style. Ne s'accroche plus au style pur et dur Kraftwerkien. Et malgré l'appellation de cet album Back to Basics, il change ce style et franchement, ça fait du bien. Les compositions s'enchaînent très facilement et c'est un vrai plaisir d'écouter cet album de Cubic. Pour les connaisseurs, et je sais qu'il y en a, ils utilisent le premier sampler belge qui s'appelle Modor DR2 et un synthé belge également qui s'appelle Modor NF1. 10 morceaux au total qui sont sortis le 31 mai dernier, donc sur Alpha Matrix. Et pour terminer, quelque chose que j'adore, j'espère que c'est votre cas aussi, c'est James Blush, alias Blush Response, qui a eu un succès phénoménal dans les styles musicaux assez variés. Et là, il revient en force chez les Canadiens de Artifact Records avec son album Sprawl. On vient de s'écouter Black Blade. Sprawl, c'est un panel de musique électronique. Cela commence par un bon industriel rythmique, comme il a pu le faire chez Shenzhen. Ça repart dans des choses plus tech, avec un chant, comme il a pu le faire chez Sonic Groove, pour finir sur des choses plus mécaniques, industrielles. Vous savez, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Et c'est une bonne surprise qui a bien failli passer en sélection de la semaine. Ça sort le 5 juillet, donc chez Artifact Records. Or, merci Lucie, de Looters. De l'agence promo Looters de nous l'envoyer. Bah écoute, à toi Greg. Eh bien écoute, on va poursuivre et puis un peu changer de style musical. On va retourner quand même à l'essence des premiers sons des années 80 et là en l'occurrence avec ce qu'on appelle le post-punk. Il y a un groupe qui s'appelait Siglo XX ou Siglo BMT et j'ai eu l'occasion de recevoir un double album en digital qui regroupe plusieurs concerts enregistrés de manière professionnelle. Le son est exceptionnel et on retrouve vraiment une atmosphère assez incroyable que propose ce groupe à l'époque. C'était, je crois, au milieu des années 80. C'est Antler Records qui est de retour et qui propose, en guise de troisième référence du label, eh bien ce double album qu'on peut se procurer également en vinyle sur la page Bandcamp. Là, je vous propose un titre que je pense que vous connaissez tous si vous avez traîné dans les soirées à Wargame ou au Coquin. Ça s'appelle Obsession. C'est vraiment, vraiment très, très sombre. Ensuite, on poursuivra dans cette même veine musicale, mais beaucoup plus Cold Wave, avec Cocteau Twins et le titre Blood Beach, extrait d'une quadrille compilation qui s'appelle No Songs Tomorrow, qui regroupe bien un bon éventail de la scène Dark Wave, Ethereal Rock ou encore Cold Wave entre 1981 et 90, encore une œuvre du label Cherry Hill Records qui compile bien des super morceaux, pas forcément les plus connus. C'est ça qui est intéressant. Enfin, ils produisent vraiment d'excellentes productions actuellement. Donc voilà, extrait de cette compilation No Songs Tomorrow. Il y a vraiment énormément de choses dessus. Je vous en parlerai davantage dans les prochaines émissions. On retrouve vraiment In the Nursery, etc. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir et à redécouvrir surtout. C'est ça la force de ce label. D'ailleurs, on va rester chez Cherry Red Records. À la suite, on avait présenté le premier album de Howard Jones, Lib, qui était paru en 1982, réédité bien cette année en version 5.1, en New Stereo Mix. Et franchement, on retrouve un relief incroyable dans les titres de Howard Jones. Déjà, c'était génial à l'époque, mais là, on redécouvre également ces morceaux. Là, le deuxième album, qui s'appelle Dream Into Action, a fait donc office également d'un relooking sonore. Et on retrouve bien sûr cette New Stereo Mix 2024 pour cet album. Je vous ai choisi le titre absolument génial qui s'appelle Like to Get to Know You Well. Voilà, c'est parti, on replonge dans les années 80, que l'on veut ou pas. De toute façon, c'est mon choix. Et j'espère que vous allez apprécier, en tout cas, c'est vraiment une base pour nous à Sampler et son reproche. C'est parti de suite, Siglo Bente, Cocteau Twins et Howard Jones. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça reproche. Burn on high. On vous a fait voyager dans le passé, dans les années 80, et une époque formidable quand même, pleine de créativité et des artistes indélébiles encore dans nos âmes, dans nos cœurs, et également dans les plaisirs de sans pleurer sans reproche. On a commencé avec Siglo XX, Siglo BNT, au choix, extrait du Siglo XX, double album, tout simplement nommé. Il s'agit d'un double album vinyle, également disponible en digital sur le site de Antler Records, qui est un distributeur dont j'ai égaré le nom, mais je vous ferai un petit topo dans les prochaines émissions, promis. On s'écoutait Obsession, un titre incroyable qui est encore presque plus macabre qu'un Joy Division. C'est incroyable. Vraiment une intensité vraiment dark et puissante dans ce morceau. Voilà, j'ai redécouvert ce groupe grâce à ce double album vinyle. Voilà, c'est vraiment très très bon, très très bon. Ensuite, Cocteau Twins, c'est un peu la même famille musicale, avec le titre Blood Beach, extrait d'un box compilation 4 CD, très luxueux, donc produit par le label britannique Cherry Red Records, hein, qui fait énormément de back catalogue. Ils font ça très très bien, avec des éditions de très belles factures. Donc cette compilation s'appelle, je l'ai déjà dit, donc No Songs Tomorrow, et regroupe tous les artistes britanniques et européens de la scène darkwave, Ethereal Rock et bien sûr Cold Wave. Une sélection donc choisie entre 1981 et 1990. Très belle époque. Et on a terminé avec Howard Jones, une légende de la synth-pop britannique. Hein. Voilà, il a démarré en même temps que tous les grands noms, Depeche Mode, Human League, OMD, etc. Duran Duran. Et voilà, il a marqué vraiment l'histoire avec ses deux premiers albums. On a donc évoqué le premier album Human Leaves la semaine dernière. Cette semaine, ce lundi, c'est Dream Into Action, deuxième album de Howard Jones, qui regroupe des titres fantastiques, dont énormément de groupes de la scène synth-pop se sont inspirés. Et c'est exactement une excellente raison pour laquelle j'ai choisi Like to Get to Know You Well. Voilà, il s'agit d'une version 2024 en New Stereo Mix, très très bien réalisée par Howard Jones et son label Cherry Red Records. Walter, écoute, on va passer à la sélection de la semaine. Ouais, mais tu sais à qui tu fais penser quand tu passes ce genre de musique, Greg ? Ah non, je sais pas. À Jean-Luc Marchal, qui nous écoute et ça nous fait bien plaisir qu'il nous écoute. Et je voulais parler d'un petit truc par rapport à Jean-Luc, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il avait sorti une version extended de Man Woman de Signal Out 42. Ouais, bah j'ai pu l'écouter une fois, donc allez jeter une oreille sur Mixcloud sur la page de Jean-Luc, hein, c'est la Synthpop 80.1. Ouais, toujours, ouais, tout à fait. Et vous allez pouvoir écouter sa version extended de chez Extended. Quand même, hein, ça fait presque 10 minutes. Ouais, bah, il se met au remix, hein, puis c'est une belle discipline. Voilà. Ouais. On va s'y mettre aussi. Hein. Bravo et bis à Jean-Luc. Allez, on retrouve notre sélection de la semaine et je suis aussi très content de pouvoir vous présenter ce groupe Akalots en sélection de la semaine. Ce duo allemand que je trouve assez discret et pourtant très efficace. C'est un duo composé de Thorsten Auri au chant accompagné de Nico Klenner aux machines. Leur premier album est sorti en 2014 chez Electro Arc, puis un deuxième en 2017 chez Electro Aggression Records. Ce sont des références. Et ce troisième album intitulé Hungry Body Machines, sorti le mois dernier sur le label allemand Scanner. Malgré un titre qui pourrait suggérer de l'EBM old school, j'ai rapidement constaté que c'était un album très varié. Bien sûr qu'il y a des touches fortement EBM, notamment sur la première partie. Il y a aussi des environnements assez électro-dark et rythmés sur la seconde partie de cet album, Hungry Body Machine. Franchement, ne vous fiez pas uniquement à ce que je diffuse ce soir dans l'émission pour vous baser sur une bonne écoute de ce très bon album. Deuxième morceau à diffuser, ce sera le morceau Savage. Galaxy. Akalots avec le morceau Savage de l'album Hungry Body Machines. Ça sort chez Scanner et c'est notre sélection de la semaine. C'est, ça paraît plus sage quand même. Ouais, ouais, ouais. Plus bah, moins basique en fait. Plus posé, ouais. Ouais. Et c'est vraiment très, très bon. J'espère aller voir assez plus, rapidement. Ou plus poseur. C'est ça, c'est vrai. C'est l'idée, je crois. C'est une bonne idée. Un petit agenda. Ah, écoute, avec plaisir, vas-y. Je te laisse démarrer. Bah, écoute, j'ai trois dates. Je viens de la voir en plus celle-là. C'est un showcase au Cultura de Villeneuve d'Ascq avec le groupe lillois The Log Equation. On avait diffusé dans l'émission 3-4 semaines avec leur album Diane's Diary. C'est du post-punk, de la cold wave que j'apprécie vraiment énormément. C'est un très très bon groupe et joue à partir de 15h au Cultura de Villeneuve d'Ascq. Ce samedi, il y a une grosse grosse date. Grosse date à Nice, c'est loin. Mais putain, c'est bien. Ouais. C'est le BM Night 3 avec Dupont, mais pas la version assez calme et mijaurée, je vais dire, des années 2015-20, quoi. Non, c'est le Dupont qu'on a vu au début des années 2000 avec... Ukraina. Avec, ouais, avec rappelle-moi le nom du chanteur, ce tours-là qui ouais. Beuglait comme un taureau. Écoute, ouais, c'est un... C'est le chanteur original qui arrive. Et qui débarque à l'Alterax, à Nice. Donc c'est 105 routes de Cantagalet à Nice. Et en première partie, Tote Live. Et Tote, on l'a déjà vu plein de fois. Ouais. On adore Fred ici, c'est un proche, très proche de Sampleur et Sans Proche. Mais il a cédé le micro. Il a cédé le micro à Jeff, qui prendra la relève pour chanter les morceaux de Tote. Et en plus, il y a des nouveaux morceaux. Donc franchement, c'est une fichue soirée. J'espère que si vous êtes dans le coin, vous allez pouvoir vous y rendre. Ouais, et puis on peut rappeler aussi l'effet d'armes de Jean-François Comble. Hein. Ah, oui. Donc, c'est également un de nos potes qui participe à l'occasion à des concerts de Void Kampf. Il a participé à un album, même deux albums. Mm-hmm. Il a été à l'origine d'une émission de radio qui s'appelait Au-delà du réel dans les années 90. Et également un éminent chroniqueur chez les Scatopodes. Ouais, carrément. Et c'est bien qu'ils reprennent du service sur Nice avec ces The Band Night. Allez-y, si vous êtes dans le coin, je vous le dis encore une fois, parce qu'il faut soutenir la scène niçoise. Et si, il faut qu'il y ait du monde à cette soirée. Voilà. Malheureusement, on n'y sera pas. Et ce samedi 15 juin, sur Lille, il y aura une soirée EBM, une soirée organisée par Pierre donc de Cultura au Ciro's Bar. Je suis content, je ne suis jamais allé là-bas, mais... Je suis déjà allé, ouais. Ça devait fermer, finalement ça continue, donc c'est une très très bonne idée. Donc soirée EBM au Ciro's Bar ce samedi 15 juin, et c'est gratuit, ça commence à 22h. Bah, moi je vais annoncer une date, hein, c'est juste parce que j'y vais, et puis que je suis très heureux de revoir ce groupe. Les Baby's Berserk qui seront à Amsterdam au Volks Hotel, ça sera dans 15 jours, on partira en week-end à Amsterdam pour l'occasion, et on vous fera plein de reports photos de ce groupe qui monte, qui grimpe. Ils sont en train de cartonner un peu partout en Europe. J'écoute. Et d'ailleurs, j'ai appris que c'était pas nécessairement un groupe néerlandais, mais il y a également un Canadien dans le lot. Donc c'est le mec qui produit la musique. Donc ça me surprend pas, tu vois. La touch canadienne. Également deux autres festivals. Il y a le festival Le Dour qui se déroulera deuxième semaine du mois de juillet. On retrouve, le mercredi ou le jeudi, la première date, je crois que c'est le mercredi. Il y a une foule d'artistes électro. Donc voilà, j'ai pas la liste sous les yeux, mais en tout cas, je vous en reparlerai dans les prochaines émissions. C'est vraiment très intéressant, très sympa. Et je crois qu'on retrouve également, encore une fois, Baby's Berserk. Et puis, autre date, le 4 août, je crois que c'est un dimanche, il y aura Front de Cadeau, Vive la Fête, et plein d'autres groupes, Sisters of Mercy notamment, au Lockers Festival, qui se déroule à Lockerun. Là aussi, on est sur le dossier, on a vraiment hâte de revoir les Front de Cadeau et faire la fête avec Vive la Fête. Voilà. Pour les petites dates de festoche. Ah bah écoute, j'en ai encore une. Tu parlais du Lockerseux, ça m'a fait penser au Pekerseux Festival, où joueront le 29 juin She Passed Away, Agent's Side Grinder, Velvet Mist, Erato, et nos potes de Dagaist. Oh. C'est pas loin d'ici, c'est tout près de la frontière française. C'est 45 euros sur place. Ouais, une très bonne date aussi. Ouais, puis bah aussi, petit clin d'œil à Fred. À bah oui, ça fait longtemps qu'on l'a vu en plus. Ouais. Il faudrait qu'il repasse dans les studios d'ailleurs. Ah, ils ont recréé une émission de radio qui s'appelle X-Wave. Bah ouais. C'est une fois. Tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours sur RCV, le dimanche soir. Et dans 15 jours, ils accueillent Philippe Lomprey de T21 pour parler d'un événement voilà, un peu spécial. D'ailleurs, on est largement invités. Hein, donc, faudra y aller. Écoute, ouais, c'est à qui? Bah écoute, à toi d'enchaîner. Ce sera Saint Paul. C'est un groupe que tu as déjà présenté ici dans l'émission il y a quelques temps, on va dire. Chez Infected Recordings. Ouais. Qu'ils ont quitté pour rejoindre l'écurie du label Scanner. Ils sortent un EP, enfin un single plutôt, End of Days. C'est le deuxième single à paraître avant la sortie de l'album Interference. Et pour promouvoir tout ça, ils sont actuellement en tournée avec le groupe Intent Outtech. Sur ce single, j'ai choisi la version Dance Mix. Continuera avec un projet d'un employé du label russe Center Records. Ça s'appelle Métronome. Il avait commencé à faire de la musique sous ce nom dans les années 90, puis avait un petit peu laissé tomber avant de réactiver ce projet en 2019. Et il a une sacrée collection de morceaux. Il a décidé de remettre au goût du jour avec notamment des participations vocales comme celle du chanteur de Alien Skin ou Inner Conflict. Ce sont les compositions instrumentales qui sont nettement les meilleures. Et même s'il y a plusieurs remixes, je préfère la version originale du morceau Poursuite. L'album s'appelle Attention Reboot et ça sort évidemment chez Center Records. On terminera avec une nouveauté de chez Hymen Records. juste à l'instant Signal Strong avec le morceau Occurrence en Extended Version. C'est extrait du single qui sort chez Hyman Records. C'est un tout nouveau single pour cet Allemand de Signal Strong. Cet unique morceau a servi de bande-son d'une vidéo du Canadien Francis Desberges qui a été jouée dans un festival de Montréal. Il y a trois versions de ce morceau qui sont Name Your Price sur Bandcamp avant le 22 juin prochain. C'est très bizarre parce que ça sort chez Hyman Records et c'est gratuit. Allez, je vous invite à aller sur la page Bandcamp de Hyman Records. Avant Métronome avec Poursuite en version originale de l'album Attention Reboot de chez Center Records. Et en tout premier, c'était soutillant, c'était très bon. End of Days en Night Dance Remix de The Sin Paul. Extrait de ce single qui sort chez Scanner. À toi, Greg. Eh ben écoute, non, c'est à toi. On poursuit. Je continue, ok. Ah ouais. Et on va terminer l'émission. D'ailleurs, on va faire un cumul de nos séquences, puisque l'heure avance. Et on a plein de choses encore à vous présenter. Donc, allez, Walter, vas-y, commence avec ta sélection. Et je l'ai en stock depuis très très longtemps, celui-là. C'est l'album To Hell and Back, European Journey de Cagoule. Je pense que c'est le troisième album et on note de beaux changements dans les textures, des essais de voix trafiquées et la touche particulière de Cagoule. Je pense que c'est le projet que je préfère de Chetan Shadowban. Je ne désespère pas de l'interview, hein. J'espère qu'il a retrouvé la voix là, depuis quelques semaines. L'interview par téléphone, je pense qu'il n'en a jamais donné. Et ce sera un petit exclu pour Sampler. Cet album To Hell and Back, European Journey, est assez court dans l'ensemble, mais c'est du concentré de qualité et franchement, c'est le principal. On s'écoutera Shining Star. Après une sortie de chez Oraculo Records, c'est Almax und Forte. Et quasiment aucune information ne transpire sur ce projet, qui signe donc son premier album sur ce label espagnol, Oraculo. Mais si on cherche bien, on trouve. Et on remarque qu'il s'agit d'un nouveau projet entre Nico Cabañas, le boss de Oraculo, et India Nardone, alias SVM plus Néa. Super album d'ailleurs. Je te remercie encore de me l'avoir offert pendant l'anniversaire. J'adore cet album. C'est un super album. Cet album d'ailleurs qui nous avait subjugué Default Mode Network. Avec Almax Unforte, il change de style. Et je pense que India s'occupe beaucoup plus dans la composition. 5 morceaux originaux présentés dans une forme techno-dark. Orienté technoïde, c'est un savant mélange qui fait son effet. Je vous le recommande. Ce sera le morceau Interrupted de l'album Noise d'Avoui. On terminera avec du français Eleven Sphere, Wald Exen. C'est le single qui sort chez Nerys Records. Vous savez, ce projet de Ludovic Denry, qu'on a connu notamment avec Zober. Il nous a envoyé toutes ses promos et ce EP est paru fin 2022. Ce sera Wald Exen en version classique. On lui fait des oubires. Allez, moi je vais enchaîner avec ma séquence également de la promo. Il s'agit, et je l'ai promis d'ailleurs, de petites trouvailles que m'envoie l'agence promo Ephelid, agence basée dans la région parisienne. Voilà, il y a tous les styles de musique représentés au sein de cette agence, mais voilà, il y a quand même de très très bonnes découvertes en matière d'électro. C'est quand même un peu mainstream, hein. Voilà, ça passerait bien justement dans le 12 14 ou sur Galaxy Radio par exemple. Et mais j'ai trouvé comme des petites pépites et j'ai promis donc à Eugénie de Ephelid qui m'envoie pas mal de messages et à qui j'ai une excellente correspondance. Et bien je lui ai promis de présenter 3 singles issus et présentés en tête de gondole sur l'agence Ephelid. On va commencer avec Edena et le titre I Feel, extrait de From My Workspace. C'est un duo électropop d'origine italienne. Voilà, ils se sont forgés un son vraiment singulier. C'est hypnotique et épique à la fois. Un doux mélange d'électronique. Hein. Voilà, c'est, vous allez voir. Ça ressemble à plein de choses et en même temps, c'est très original. Ensuite, après Edena et ce fameux titre I Feel, on enchaînera avec le duo belge Kowari qui propose un album incroyable. Issu de celui-ci, j'ai choisi Tomorrow. On est presque à la frontière de la musique de film. C'est vraiment très fort en émotion et assez troublant. Vous allez voir les premières notes de piano de ce morceau vont vous faire vibrer. Ça, j'en suis sûr et certain. Et on terminera avec bien peut-être le projet qui m'intéresse le plus, que j'aime le plus, c'est Ypon. Il s'agit d'un duo français qui propose le single Against. Hein. Je dois recevoir l'album très prochainement, et à savoir quand même qu'il s'agit d'une production signée sur le label de Vitalik, Clivage Musique. Voilà une branche où il propose pas mal de nouveaux artistes, et franchement, on fait d'excellentes découvertes. Voilà, tout ça est proposé par l'agence Ephélide. Je remercie Eugénie d'ailleurs pour son travail et sa correspondance. Voilà, c'est parti. Donc, je te laisse résumer les trois titres, les trois artistes qui vont arriver. Cagoule, Almax, Unforte et Eleven Sphere. En plus, je l'ai devant moi. Et on terminera avec Edena, les Italiens, Kowari, les Belges et Ypon, les Français. On vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez nos playlists, bien sûr, sur nos pages Facebook, etc. Les podcasts sur les multiples supports sur lesquels Walter travaille. Ouais. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Walter. Allez, en forme. À bientôt. Carrément. Ciao. Salut. The cool boy from the sunlight. las últimas dos no me convencen porque no. We'll be right back. Dark, Goth, Sampleur et Sans Reproche. Toute l'actu électro-indus sur l'île. In a black hole, oh, when life hits me, but I need some more. Yeah, I need some more. In a black hole, oh, when life hits me, but I feel alone. Yeah, all alone. I'm gonna dance with you, please play the part. I'm gonna fly with you, then fall apart. Who you are? I've got the answer in the water. I've got to dance that thing with my brother. I've got the answer. My brother. you used it to.